une assemblée donc tous les mercredis à 20h30 au 33 rue des Vignoles à Paris, métro Avron dans le 20e. Et puis pour donc tout ce qui est autre lutte, on a justement ce soir au Transfo pour ceux qui sont pas loin, ils peuvent arriver quand même avant que ce soit fini, puisque c'était ce soir une soirée liée à tous les projets éoliens, que ce soit en France, au Mexique ou ailleurs. Toujours dans le cadre du FRAP, demain au Dilingo, sur la lutte contre le projet d'aéroport à Nantes, donc connu avec la lutte de la ZAD, la zone à défendre. Et donc jeudi, on a un autre grand projet, cette fois c'est le train à grande vitesse, on en parlait en début d'émission. Donc où il y a déjà une lutte depuis longtemps et une soirée donc au Transfo, toujours dans le cadre du FRAP, et qui va justement avoir lieu le 22 mai, jour où il y a quatre personnes qui sont en procès sous le nom de terrorisme, quand en réalité il y a eu plutôt saccage de matériel pour empêcher les travaux de ce grand projet, c'est ça, je dis pas de bêtises. Ouais. Donc voilà, on va penser à ces quatre copains. Le jeudi 22 mai, soirée au Transfo, à Montreuil, c'est rue de la République, c'est ça, hein. Donc voilà, donc ceux qui veulent y aller ce soir, jeudi, le Dilingo demain, et sinon on se retrouve le mois prochain pour ceux qui veulent nous réécouter, sinon c'est jeudi matin de 8h à 9h30. Mercredi du mois de juin. Merci de nous avoir écoutés. La jungle des luttes, on se quitte. Salut.